À l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, le comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain a conféré la médaille d'honneur panafricaine Julius Kambarage Nyerere au maréchal Kim Jong-un. Le service de remise de la médaille d'honneur et du diplôme a eu lieu le 22 juin à Kampala. Dans la salle de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y en prépare les personnalités et les membres du comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain, de l'organisation d'études des idées du Juche et des formations d'amitié et de solidarité de l'Ouganda, ainsi que l'ambassadeur coréen en Ouganda et ses collaborateurs. À la suite des discours, on a transmis la médaille d'honneur et le diplôme à l'ambassadeur coréen.